L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes ont réussi, en utilisant le télescope spatial Hubble, à mesurer la rotation d'une exoplanète. Cette mesure est une première par l'exploitation d'une imagerie directe. Yifan Zhu de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs publient leur observation dans The Astrophysical Journal. Ils ont étudié les très faibles variations de luminosité dans l'infrarouge de cette exoplanète très massive appelée 2M1207b, 4 fois plus massive que Jupiter, et qui fait donc partie des exoplanètes dites super-Jupiter. Elle est en orbite autour d'une étoile particulière, parce qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une étoile, mais de ce qu'on qualifie volontiers d'étoile ratée, ou étoile naine brune. Une étoile qui n'avait pas la masse suffisante pour amorcer des réactions de fusion nucléaire dans son cœur et qui ne brille donc pas. Le couple se situe à une distance relativement proche de nous, à 170 années-lumière. L'orbite de 2M1207b autour de son étoile est aussi hors catégorie, puisqu'elle est 10 fois plus éloignée que celle de Jupiter autour de notre Soleil. Pour mesurer les très faibles variations de luminosité induites par la rotation de la planète, les astronomes ont exploité les capacités uniques de l'instrument Wide Field Camera 3 de Hubble en termes de stabilité, de résolution et de contraste. Ils parviennent à attribuer les variations observées à des structures nuageuses complexes de l'atmosphère de l'exoplanète. Ces mesures vont même plus loin car les chercheurs montrent non seulement la présence de nuages, mais que ceux-ci sont également irréguliers et incolores. Les premières observations de 2M1207b datent d'il y a 10 ans, et les astronomes avaient déjà montré que son atmosphère était suffisamment chaude pour abriter des nuages de silicate, de la roche vaporisée qui, en se refroidissant, forme des petites particules d'aérosol. Plus profondément dans son atmosphère, des gouttelettes de fer doivent se former et tomber en pluie pour s'évaporer dans les couches encore plus profondes. La température atmosphérique évaluée par les chercheurs varie entre 1500 et 1700 Kelvin. 2M1207b est aussi chaude parce qu'elle est jeune, à peine 10 millions d'années environ. Elle serait ainsi toujours en train de se contracter et de se refroidir. Au cours de son refroidissement, dans les quelques milliards d'années qui vont suivre, les nuages de silicate et de fer se formeront de plus en plus bas dans l'atmosphère de l'exoplanète, jusqu'à disparaître totalement. L'observation de ces nuages a permis à l'équipe de Zhu de déterminer avec précision la vitesse de rotation de 2M1207b. Ils obtiennent une vitesse de l'ordre de 1 tour en 10 heures, soit environ la même vitesse de rotation que ce que l'on mesure sur Jupiter. Le système de 2M1207 et sa grosse super-Jupiter est très différent de notre système solaire. La planète 2M1207b n'est que 7 fois moins massive que son étoile, entre guillemets. Le rapport est de l'ordre de 1000 entre Jupiter et le Soleil. On estime que ce couple aurait pu se former non pas par l'effondrement gravitationnel d'un disque unique de poussière, mais de 2 disques distincts. La super-Jupiter 2M1207b, grâce à sa forte luminosité en infrarouge, sera une cible idéale pour le successeur de Hubble en 2018, le James Webb Telescope, dont le montage du miroir vient d'être terminé et qui fait la couverture cette semaine de la revue Science. Il permettra aux astronomes d'encore mieux déterminer la structure atmosphérique de ce type de planète particulière. L'article de Yifan Zhu et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le numéro 818, daté du 20 février 2016. Il s'intitule « Discovery of Rotational Modulations in the Planetary Mass Companion 2M1207b, Intermediate Rotation Period and Heterogeneous Clouds in a Low Gravity Atmosphere ». Un titre un petit peu long. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Retrouvez ce podcast bien évidemment sur podcloud.fr et sur iTunes. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !